j'ouvre le matin l'été, puis je referme le soir là, l'église. D'accord. Et comme ça, on peut la visiter en journée. Voilà. Mais juste l'été. D'abord, ça fait du bien à l'église, ça l'aère, ouais. Ça chasse l'humidité. Et puis, bon, c'est pas bien. Je suis à côté alors. Oui. Non, mais c'est bien que les gens puissent déjà profiter de l'exposition, puis du bâtiment. Puis, moi, je trouve que, malgré tout, c'est instructif, tout ça. Hein. Oui. Il y a toute l'histoire. Alors, tout à l'heure, vous me parliez de la Vierge primitive, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, oui. Alors, à ce qu'il paraît qu'elle venait prier vers ce rocher, là, et puis ce trou, qui est toujours plein d'eau, là, elle s'asseyait sur le côté et elle cousait, elle mettait son dé. Et alors ces petits trous que vous trouvez autour du trou, là, qui est plein d'eau, eh bien, à ce qu'il paraît que c'est l'emplacement de son dé. D'accord. Je vous répète la légende que j'ai lue. Oui. Et donc, il y a des remerciements aussi des gens qui c'est viennent... C'est ça, oui. Et il y a d'autres légendes comme ça sur dans le village ou autour ou... Ben, il y a d'autres légendes. Moi, ce que j'ai lu sur l'histoire de Tourzal, c'est que la Vierge de Ranzière, elle a été sauvée par un dénommé Déribe, qui habitait le vieux moulin, là. Juste en face. C'était une exploitation. Alors, il est monté à la Ranzière par le petit chemin que vous avez pris. Et avant de toucher la Sainte Vierge, il lui a dit, attendez voir, bonne mère, que n'est pas digne de vous tout ça, mais quoi, pour la bonne cause. Ça veut dire, bonne mère, je ne suis pas digne de vous toucher, mais c'est pour la bonne cause. Alors il l'a prise, parce qu'il s'était pendant la guerre, et il l'a cachée chez lui, au moulin. Alors, à ce qu'il paraît qu'il l'a mis sous des fagots, il a entassé les fagots dessus et puis il l'a laissé là pendant combien de temps, je ne sais pas. D'accord, pour pas qu'elle soit volée pendant la guerre. Voilà. Ah, c'est une belle histoire. C'était une bonne initiative, hein? Oui, oui, tout à fait, oui. Mais moi, j'ai connu des descendants chez des Ribles. Oui. J'avais tout un tas de documents que j'avais relevés, mais entre mes petites filles et puis les gens qui sont venus les prendre pour faire ci, pour faire ça, je ne sais plus même où ça. Si, je devrais en avoir encore. Et sinon, au niveau des sons du village, là, de ce qu'on y entend, des sons du village, il y a des choses qu'on entend Non. Pas de choses particulières. Non. Moi, j'ai pas connaissance. Et puis, vous savez, quand on habite à un endroit, on s'habitue au bruit. Et on arrive à un moment où on n'y fait plus attention. Oui. Voilà. Dans les villages. Je vous laisse regarder. D'accord. Merci. Prenez votre temps, vous dites que je ferme le soir. Ben je viendrai vous dire quand j'aurai fini. Comment ? Je vous avertis quand j'ai fini de... Oui, non, il n'y a pas de problème. Hein. Je viendrai voir et puis je fermerai. Hein. D'accord, pas de problème. Ben merci beaucoup. Et donc, on peut vous la réemprunter demain en début d'après-midi pour venir avec un petit groupe ? Ben, quelle heure ? On passe par là vers 14h. Oui, ben pas de problème. Vous partez d'où ? On est dans le village, on reste dans le village là autour. Oui. On part du moulin. D'accord. Et puis voilà, et puis après je vous la rends quand on a fini. Ben oui, je pourrais vous dire comment c'était fait autrefois et ce qui a été fait comme travaux, ce qui a été fait. Oui, volontiers. Bon. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup. Non. Là, je rigole, t'as vu? T'as vu un peu? Là, je rigole, t'as vu? T'as vu un peu?